C'est l'orchestre, je sors de fiesta, dansez-moi comme d'hab. Petit lavazza, soleil en terrasse, avec une fille classe. Allez, on y va. C'est parti, je dégagais, j'ai repris la conduite. Fallait que je revienne, ils font des albums pourris. À force de trop sortir, je suis devenu alcoolique. Elle fait la difficile, elle s'est prise pour un bolide. Le mal se faufile, poteau, c'est tangible. Au premier conflit, ils font les gentils. Elle fait la difficile, mais moi je l'enquis. Elle croyait que j'étais acquis, elle m'a fait des bandes. Je suis dans le fond de temps, je vais les faire rêver. Je peux pas leur faire confiance, mais c'est des gros pédés. La vie est belle, pourquoi autant la compliquer? Il fait le mec sérieux, mais c'est un gros bébé. Je l'ai croisé en bas, il voyait flou. Il veut pas rembourser, il me rend fou. Il s'est cru fort en s'entourant de loups. Mais ce qui s'est passé, c'est que je m'en bats les couilles. Je les évite, je le sentais, c'est tous des pourris.